Chapitre 16. Une tempête de neige s'éleva dans la soirée et elle n'était pas calmée encore quand, au cours de la matinée, Gemma sortit pour gagner le pavillon. Elle avait vu auparavant sa sœur qui avait passé une nuit moins mauvaise qu'à l'ordinaire. Serait-il temps encore de la sauver si vraiment... En arrivant au pavillon, Gemma alla frapper à la porte de l'atelier. Salvatore ouvrit et eut un vif mouvement de surprise à sa vue. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ? Entrez vite, par ce temps !» Il introduisit dans l'atelier où flambait un beau feu de bois. Elle rejeta en arrière le capuchon de sa mante et il vit son visage bouleversé, ses yeux fiévreux. « Qu'est-il arrivé, Mao ?» « Il s'agit de Mao, en effet, et de... Lionel. » Il lui enleva sa mante couverte de neige, approcha un fauteuil près du feu et l'y fit asseoir. Elle dit, la voix tremblante, « Je viens à vous parce que seul vous devez apprendre ce que j'ai découvert, ce que je crois avoir découvert, du moins, et que seul vous pouvez nous venir en aide. » Alors elle lui dit tout. Les singulières paroles de Zora, la révélation d'Aurélie sur la maladie de la jeune Anglaise, l'intervention de Laetitia au sujet de la rose et, enfin, la découverte de cette terrible lettre. Il avait attiré un siège et s'était assis près d'elle. Les flammes du foyer éclairaient son visage tendu, ses yeux où l'émotion se faisait plus violente à mesure que se dévoilait l'affreux drame. Ses doigts tremblaient un peu tandis qu'il lisait la lettre de Don Mario. Gemma, épuisée par l'angoisse, appuyait sa tête au dossier du fauteuil. Il dit à mi-voix « Ce serait épouvantable !» Pendant un moment, un tragique silence pesa sur eux. On n'entendait que le craquement du bois incandescent. Gemma serrait l'une contre l'autre sur ses genoux, ses mains glacées. Pourtant, il ne peut guère y avoir de doute. Tout s'explique ainsi. La pauvre Juliette, l'institutrice... Il faut sauver Mao, s'il en est temps encore. Gemma se redressait, attachait sur Salvatore un regard où montait l'affolement. Oui, il faut l'éloigner sans tarder de cet être pervers. Ne craignez rien pour elle maintenant, Gemma... mademoiselle... Nous sommes avertis, nous empêcherons Lionel de nuire. Mais avant de rien décider, je dois voir Laetitia. Elle sait quelque chose, certainement, pour avoir agi comme elle l'a fait. J'ai pensé que c'était par elle, peut-être, que Lionel a eu connaissance de l'original de cette affreuse formule. Oui, elle l'aura trouvée dans quelque cachette, chez elle, et l'aura imprudemment communiquée à Lionel. C'est vraiment horrible! Horrible de penser que... Salvatore parlait d'une voix un peu rauque qui semblait sortir avec peine de sa gorge contractée. Gemma se leva lentement. « Il faut que je rentre. On s'étonnerait de me voir dehors par ce temps. Je vais vous accompagner jusqu'à la sortie du bois et je me rendrai chez Laetitia en passant par les jardins. » Il se levait à son tour. Un jet de flamme, dans le foyer, jeta sa lueur sur ses visages bouleversés. D'un mouvement vif, Salvatore prit entre ses mains celle de la jeune fille. « Ne vous tourmentez plus. De toute façon, nous écarterons de Mao ce péril. Fallut-il pour cela dénoncer mon cousin ?»« Oh, ce serait terrible !»« Terrible, oui. Mais s'il n'y avait que ce moyen... » Leurs mains tremblaient. Salvatore laissa retomber les doigts glacés de Gemma, prit la mante et en enveloppa la jeune fille. Quand il eut revêtu un vêtement, ils sortirent et se retrouvèrent dans la tourmente blanche. Salvatore avait offert son bras à sa compagne et elle avançait ainsi plus facilement qu'à l'aller. Quand ils furent hors du bois, Salvatore s'arrêta en disant « Je vous laisse ici, mais je puis avoir besoin de vous parler sans témoin. » Convenons donc de nous retrouver ce soir, un peu avant 7 heures, dans la bibliothèque. Le secrétaire a fini son travail et grand-père fait sa partie d'échecs. Elle acquiesça et ils se séparèrent après que Salvatore eut fortement serré la main qui tremblait toujours. L'appartement de Laetitia se trouvait au-dessus de la bibliothèque. Dans la pièce où elle avait fait son cabinet de travail, elle était occupée à écrire quand Salvatore frappa. À sa vue, elle eut un mouvement de surprise vite réprimé. « Vous, mon cher, qu'y a-t-il ? Vous avez l'air bien ému !» Comme s'il n'avait pas entendu, Salvatore s'avança, demanda presque brutalement « Laetitia, c'est vous qui avez donné à Lionel la formule du poison de César et Camparini ?» Elle eut un sursaut, mais ne baissa pas ses sombres yeux sous le regard durci de Salvatore. « Oui, je la lui ai communiquée autrefois. » « Et vous saviez qu'il s'en était servi ?»« Non, certes, j'ai brûlé aussitôt la formule, ne tenant pas à ce que subsista ce souvenir des crimes de notre aïeul. Mais Lionel a une mémoire extraordinaire. Il aura aussitôt noté les indications et, ses connaissances en chimie aidant, réussi à reconstituer. Mais vous avez bien soupçonné, en voyant mourir ses deux premières femmes, qu'il avait pu... » Les mots s'arrêtèrent dans la gorge de Salvatore. « Je n'ai rien soupçonné du tout !» Elle se levait en écartant d'un geste machinal les feuillets étalés devant elle. « Pourquoi me parlez-vous de cette formule ? Comment la connaissez-vous ? » Mademoiselle Gemma en a trouvé hier une copie dans une lettre adressée par un Camparini à l'un de nos ancêtres. « Ah ! Elle avait déjà des soupçons, sans doute. Oui, cette rose, vous saviez, puisque vous l'avez jetée. J'ai supposé par déduction. Après Laura, Juliette, la jeune Anglaise, c'était Mao qui allait mourir de la même manière. Vous croyez que Laura aussi? Elle est morte presque subitement, elle. Peut-être. Il ne savait sans doute pas encore doser le poison pour obtenir une mort lente. Cette voix froide, cet impassible visage, amenèrent une explosion chez Salvatore. Comment pouvez-vous parler ainsi de cette épouvantable chose? Et comment aussi, sachant que Lionel fabriquait ce poison, n'avez-vous pas pensé plus tôt qu'il aurait pu s'en servir pour des fins criminelles, après avoir vu ces morts inexpliquées de jeunes femmes auparavant bien portantes? Les lourdes paupières s'abaissèrent un instant sous le regard étincelant. Mais Laetitia répondit avec la même froideur « Je n'avais pas trouvé de motif suffisant pour le soupçonner jusqu'alors. Mais cette maladie de Mao, et j'ai pensé à cette rose qu'il réservait pour elle, comme il l'avait fait pour Juliette, pour Laura. » Salvatore passa la main sur son front que mouillait un peu de sueur. « Il faut éloigner la malheureuse jeune femme de cet assassin. Mais comment t'expliquer à mes grands-parents ?» Laetitia songea un moment. Elle appuyait au dossier d'une chaise sa main mutilée. Autour d'elle tombaient les plis d'une robe d'intérieur en velours noir que retenait à la taille une lourde ceinture d'orfèvrerie ancienne qui datait peut-être du temps de Don César, l'empoisonneur. « Je me charge d'arranger cela, » dit-elle enfin. « Je vais apprendre à Lionel que ses crimes sont connus et que, s'il ne consent pas au départ de Mao, sa sœur portera plainte. »« Eh bien, soit, il n'aura pas le châtiment qu'il mérite et, à moins qu'il récidive, nous ferons le silence, laissant à Dieu le soin de le juger. Mais je ne pourrai jamais me retrouver devant lui. » Sa mère était une Brasley, et il y a eu d'étranges aberrations chez quelques membres de cette famille. Cette délectation dans la préparation du crime est le fait d'un être anormal. Anormal ou non, il ne faut pas qu'il fasse d'autres victimes. Il n'en fera pas. Cette affirmation tomba, nette et sèche, des lèvres de Laetitia. Je veux l'espérer. Quand lui parlerez-vous? Tout à l'heure. « Je viendrai savoir cet après-midi ce que vous avez obtenu. »« Si vous voulez. » Elle tendit sa main à Salvatore. Il la prit sans la serrer. Comme il faisait un pas en arrière pour se retirer, elle demanda, du même ton froid qu'elle conservait depuis le début de cet entretien, « Vous croyez que j'ai été la complice de Lionel, tout au moins en gardant le silence ? Je ne sais, Laetitia, vous êtes d'une nature impénétrable. Il est bien difficile de vous connaître. Bien difficile, répéta-t-elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en une sorte d'amer sourire. Mieux vaut ne pas essayer. Vous feriez peut-être des découvertes déplaisantes d'après vos principes. Je vous demande seulement de croire que je n'ai rien su des criminels desseins de Lionel. Soit, je vous crois. Il se détourna et gagna la porte. Laetitia le suivait d'un lourd regard qui se chargeait de passion. Elle murmura, la bouche crispée en un rire silencieux. « Mais si j'avais su, pour Juliette, je n'aurais rien empêché. »